France Info fait sa rentrée scolaire en direct d'Angers. Et on retrouve Mathilde Munoz. Oui, France Info retourne à l'école aujourd'hui. Nous avons installé un studio collège-lycée David d'Angers. C'est un double établissement, un établissement généraliste de centre-ville et nous allons y rester jusqu'à 14h. Le spécialiste éducation de France Info est avec moi. Bonjour Emmanuel David-Henkoff. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Alors il y a plein d'autres invités autour de la table, je vous les présenterai au fur et à mesure. On va commencer par cette question toute simple. Qu'est-ce qu'une bonne rentrée? Je vous la pose cette question Emmanuel. Écoutez, une bonne rentrée, je dirais que d'abord c'est une rentrée tout court, elle est préparée depuis 9 mois par l'administration. Et malgré toutes les difficultés qu'on a pu observer ces dernières années, techniquement, l'administration sait faire sa rentrée. Quand le ministre dit qu'il y aura un enseignant dans chaque classe, il y a toujours un enseignant dans chaque classe. Modulo les angines, accidents divers et variés, mais enfin ça avec une administration de 850 000 enseignants, c'est la vie, on peut difficilement l'éviter. Cette année, vous avez, ça a été dit, un effet de contexte important, une refondation de l'école qui a été promise, des recrutements qui ont été promis, 60 000 sur 5 ans, ce n'est pas rien, pas seulement des recrutements d'enseignants, mais des recrutements pour l'éducation. Il y a un petit côté lendemain qui chante, qui flotte un petit peu dans l'air. Et puis, j'allais dire, au niveau individuel, c'est un mélange de moments de sourire et puis d'anxiété, mais parfois d'anxiété avec un petit peu d'espoir, l'espoir que ça se passe bien. Donc, j'allais dire que la question du jour, c'est comment garder le sourire. Et on va poser cette question justement aux élèves qui sont avec nous autour de la table. Bonjour Maëlle et Constance. Bonsoir. Vous êtes élèves en première. Qu'est-ce qui compte pour vous en cette rentrée? C'est quoi? C'est l'emploi du temps? C'est les profs? C'est les copains qu'on retrouve? C'est les amis qu'on retrouve parce qu'on a passé 2 mois en gardant contact, mais pas forcément prêts, voire ils sont partis dans d'autres départements. Donc les amis et puis aussi les professeurs, puisque c'est eux qui vont nous donner envie d'apprendre de nouvelles choses cette année. Et puis ce qui va aussi être la base de notre année en finale, c'est l'emploi du temps, puisque il va pouvoir, c'est ce qui va permettre déjà de vivre d'avoir le quotidien et puis après pouvoir de moduler pour en fonction des activités extrascolaires aussi. Et c'est un joyeux moment la rentrée ou on se dit zut c'est la fin des vacances? Oui quand même ça reste un joyeux moment parce qu'on retrouve tous nos amis et on retrouve même nos professeurs, on est assez content de les voir finalement. Mais... Donc aucune angoisse là ce matin pour vous? Si un petit peu quand même, mais ça passe. Ça passe vite. La rentrée donc a déjà commencé, tout s'est bien passé jusqu'à présent. Emmanuel Gauthier, vous êtes le proviseur adjoint de cet établissement. Écoutez, oui, pour l'instant tout va bien. Nous espérions avoir tous les professeurs nommés le plus tôt possible. Nous avons eu donc la nomination des professeurs stagiaires. Certains d'entre eux sont agrégés, donc il a fallu revoir leur service. Donc ce qui complique un petit peu la réalisation ou la finalisation de l'emploi du temps la veille. C'est la journée la plus importante de l'année pour vous ? C'est la journée qui est l'aboutissement en fait d'un travail qui a démarré en novembre, avec le travail sur les structures et puis la répartition des moyens qui a été négociée au mois de mars, avril. Et puis nous avons revu... Si longtemps que ça avance. Oui, nous avons revu la situation au mois de juin, puisque plusieurs établissements sur Angers avaient besoin de classes supplémentaires. Donc nous avons rediscuté avec les enseignants avant que l'on se sépare vers le 15 juillet. Donc c'est quoi? C'est une bataille entre les établissements pour avoir... Non, il n'y a pas de bataille, mais il faut qu'il y ait des professeurs devant les élèves dans tous les établissements. Et ça, c'était important. Et c'est ça ce qui détermine une bonne rentrée? L'emploi du temps, en fait, est impliqué dans toutes ces négociations. Et il se réalise entre le 15 juillet et maintenant. Donc c'est le plus compliqué à gérer, ce qui fait que vos vacances sont peut-être plus courtes que pour les autres. Tout à fait. Alors l'emploi du temps, il est donné d'abord aux professeurs un peu avant, la semaine dernière, de façon à vérifier que tout est correctement positionné, que les équilibres sont bien respectés. Et puis après, aujourd'hui, c'est important pour les élèves de voir si effectivement ils ont toutes leurs options, ils sont dans un rythme relativement correct, que la répartition des cours est bien équilibrée sur la semaine. Donc pour vous, en tant que proviseur adjoint, le plus dur est derrière vous? Là, finalement, la machine, elle est lancée. On va encore devoir mettre un paquet pendant 15 jours au moins, tant que tout n'est pas parfaitement rodé. Qu'est-ce qu'il reste à gérer exactement? Il reste plein de petits détails, mais qui sont importants. Est-ce que les salles sont correctement affectées? Enfin, que tout soit... C'est un emploi du temps de plus en plus complexe, avec l'ajout permanent de barrettes, ce qu'on appelle des barrettes, c'est-à-dire des professeurs en même temps sur plusieurs classes. Il y en a de plus en plus et les professeurs sont parfois partagés entre établissements, donc c'est ça qu'il faut qu'on voit si c'est réalisable. Est-ce que disait Emmanuel David-Henkoff tout à l'heure qu'une rentrée globalement, ça se passe toujours bien, on arrive toujours à gérer et à avoir quand même un prof devant chaque classe, c'est vrai ça? Oui, puisqu'on ne s'y prend pas au dernier moment, donc... On a anticipé. Ce qui en dit long sur ce qui attend Vincent Peillon et le gouvernement pour l'année prochaine, puisque quand François Hollande, hier matin, annonce cette loi d'orientation avant la fin de l'année. Auparavant, on disait octobre. Maintenant, on dit avant la fin de l'année, ce qui laisse supposer que ça va venir très, très tard. Ça veut dire des décisions pour vous qui vont tomber extrêmement tard. Donc, on sait d'ores et déjà que la rentrée 2013 sera une rentrée tendue. Nous sommes rentrés dans 3 semaines de discussion. Le débat est ouvert. Nous avons été prévenus par le recteur la semaine dernière. C'est parti. À vos côtés, Emmanuel Gontier, se trouve une professeure tutrice. Bonjour, Caroline Audier. Bonsoir. Quel conseil donnez-vous à un stagiaire ? Alors, je ne suis pas la seule à donner des conseils. Déjà, nos stagiaires, ils sont formés avant la rentrée. Ils ont une demi-journée pour préparer tout ce qui est gestion de classe. Donc, ce qu'on leur dit, demi-journée, ça fait pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est une demi-journée qui permet de préparer les premières heures, la première semaine. Donc, c'est vraiment très ciblé sur des conseils très concrets. C'est-à-dire ? Alors, conseils concrets, d'abord, bien visualiser sa rentrée. C'est-à-dire se préparer, préparer les différents moments de sa rentrée, savoir préparer son cartable. Il n'y a pas que les élèves qui rien oublier le cartable, voilà, exactement. Prendre connaissance des équipes de profs qui les entourent, aller dans l'établissement, visiter les salles, les classes, bref, se faire une petite maison de son établissement. Vous donnez aussi des conseils sur l'attitude à avoir en classe ? Oui, absolument. Oui, oui. Que ce soit l'attitude, ne serait-ce que les vêtements, la posture. Ça compte aussi ? Bien sûr, bien sûr. Si on arrive habillé comme un élève, c'est un petit peu gênant quand même. On n'est pas exactement... Le sweat capuche, on l'enlève, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Le sweat capuche, on enlève. Et je dirais tout ce qui pourrait rapprocher un peu trop l'élève du prof. Qu'il y ait une interaction entre l'élève et le prof, c'est important. C'est même la base de notre métier. Mais il ne faut pas qu'il y ait un copier-coller. Une certaine distance pour instaurer le respect aussi. Ouais, tout à fait. Alors avec vous, il y a aussi un professeur stagiaire, justement. Bonjour. Thomas Chamaillet, bonjour. Dans quel état d'esprit vous êtes plutôt, vous avez hâte ou vous êtes angoissé ? Angoissé de faire votre première rentrée. Je dirais que c'est toujours un sentiment mêlé. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une excitation aussi de débuter, parce qu'on arrive dans un métier qu'on a choisi, pour lequel on a passé un concours, etc. Donc on a envie de commencer. En même temps, évidemment, on arrive dans un environnement qui nous est quand même en bonne partie étranger, avec beaucoup de paramètres à gérer d'un seul coup. Il faut voir qu'on a eu nos niveaux que la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on est un peu la tête dans le guidon, pour parler trivialement, dans la préparation, etc. Vous allez vous occuper de quoi, vous, cette année ? Moi, j'ai des 6e, des 5e et des 4e. Et donc, évidemment, tous ces éléments arrivant d'un coup, bon, il faut prendre son temps, garder la tête froide pour tout bien gérer. Mais évidemment, on est content de commencer. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a fait toutes ces années d'études. Donc, évidemment, on est content d'être là. Vous avez l'impression d'être prêt ? On n'est jamais complètement prêt, il ne faut pas se leurrer. Je crois que ça, c'est une illusion. Et j'allais dire d'une certaine manière, heureusement, parce que c'est aussi dans la découverte, sur le tas, j'allais dire, qu'on va apprendre aussi tout ça et qu'on va se faire une idée, qu'on va penser notre métier au fur et à mesure de sa pratique aussi. Quoi que l'on puisse dire des élèves, et vous l'avez très très bien dit tout à l'heure, Constance, ils viennent à l'école, au collège, au lycée pour apprendre. Donnez-nous envie d'apprendre. C'est ça le message que vous avez donné aux enseignants. Vous, par exemple, Thomas, vous avez prévu quelque chose, un truc, un choc pédagogique pour le début, pour qu'ils aient cette appétence, ce désir ? Alors, moi, un de mes plaisirs coupables, d'une certaine manière, c'est de... les élèves arrivent souvent avec beaucoup d'idées, qui ne sont pas des pages vierges qui déboulent dans nos classes. Et donc, ils ont des idées préfabriquées. Et ce qui est intéressant, souvent, c'est d'affirmer quelque chose qui va à l'encontre totale de ce qu'ils croient. De déconstruire d'une certaine manière tout ce en quoi ils croient pour leur montrer que finalement les choses sont un peu plus complexes et que ce plaisir à apprendre et à réfléchir, il est là derrière nos certitudes qui sont affichées souvent comme ça. Et là, vous savez sur quoi vous allez jouer cette surprise ? Oh, j'ai une petite idée. Mais ils n'écoutent pas, vous pouvez le dire. Non, mais notamment, c'est sur la perception que peuvent avoir de la discipline, notamment de la discipline historique, puisque l'histoire, c'est souvent, alors soit le passé, ce qui n'est pas la même chose, soit une matière, ce qui est encore pire, c'est-à-dire juste un élément de l'école où on va de temps en temps parce qu'on n'a pas le choix. Et, or, finalement, beaucoup d'élèves ne comprennent pas ce qu'est l'histoire et pourquoi ils en font. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de leur faire comprendre parce que c'est aussi ça qui va leur donner le plaisir. Une histoire, c'est une enquête, c'est un roman policier. Vous avez l'air très, très à l'aise par rapport à d'autres professeurs stagiaires qu'on entend de temps en temps sur France Info qui sont plutôt inquiets, qui disent « je ne me sens pas prêt », c'est étonnant. Alors, il y a des choses qui sont liées aussi, je veux dire, à ma situation personnelle. Moi, je suis un privilégié, je suis dans un établissement qui ne connaît pas de problème particulier. Moi, je veux avoir quand même une pensée pour mes collègues qui sont dans des établissements qu'on dit pudiquement difficiles. Et donc qui ont des problématiques qui ne sont pas du tout celles d'ici, ceux qui ont des fois des déplacements, moi j'habite près de mon établissement, il y en a, ils font 1 heure, 2 heures de route le matin, 2 heures le soir, évidemment c'est un rythme qui n'a rien à voir et qui pèse d'autant plus sur les difficultés de la rentrée. Emmanuel Davidenkopf. Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, a parlé devant collègue à vous, des jeunes professeurs stagiaires de l'Académie de Créteil la semaine dernière, il a parlé de génération sacrifiée. C'est un thème extrêmement fort. Vous vous sentez sacrifié ? Alors sacrifié, je ne sais pas, mais parce que je pense qu'il y a une forme d'impensé en fait depuis longtemps sur le métier d'enseignant, parce que évidemment ce métier a évolué, tous les enseignants le savent, et même ceux qui débutent, et on n'a pas forcément réfléchi toujours aux conséquences que ça pouvait avoir sur l'enseignant. On sait que la demande sociale, on va dire, qui entoure l'enseignant et l'école en particulier, n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure des années. Et la pression sur les enseignants n'a fait qu'augmenter en conséquence, notamment parce qu'on sait que des difficultés familiales, notamment l'éclatement des structures familiales, etc., se sont reposées du coup sur l'école pour l'affirmation de principes, de repères et tout. Qu'il y a des aspirations contradictoires de la société autour de l'école aussi. À la fois, on veut des éléments cadrants, en même temps, on veut un épanouissement de l'élève. Il y a plein de courants qui sont en plus éminemment politiques, souvent derrière, donc qui ne facilitent pas les choses. Donc il y a beaucoup de courants qui traversent l'école et qui ne facilitent pas la vie de l'enseignant. Je me retourne à nouveau vers les deux élèves de première qui sont avec nous, Maëlle et Constance. Est-ce que ce que disait tout à l'heure Thomas Chamaillet, le premier contact avec un professeur, c'est important et ça détermine un peu votre jugement et votre attitude peut-être vis-à-vis de lui ? Tout à fait, à partir du moment où on va avoir un professeur un peu moins sûr de lui, on va se dire « oh ça va, il est cool », on va peut-être pouvoir tenter des choses. À partir du moment où c'est très, très strict, très carré, on fait ça et pas autre chose, bon, bah, on se dit que l'année va être stricte et au travail. C'est quoi un bon prof ? Pour moi, un bon prof, c'est quelqu'un qui sait rigoler tout en tenant une classe, qui nous donne envie d'apprendre et avec qui on peut quand même travailler sans... En fait, c'est ça. En vrai, c'est on fait des jeux tout en apprenant avec lui. On n'a pas l'impression d'être en cours. Je pense, pour moi, c'est ça, un bon prof. Et vous en avez ? Oui, on en a, heureusement. Merci beaucoup Maëlle et Constance. Merci aussi Thomas Chamaillet. Vous êtes donc professeur stagiaire, Caroline Audier, professeur tutrice, et Emmanuel Gauthier, proviseur adjoint de cet établissement lycée-collège David d'Angers qui accueille France Info ce matin.